Salut, c'est Mike l'écuyer pour l'émission Blues Covers. Hello, hello, pour ce numéro 83 des Blues Covers, je vous propose Labedoun, Nico Chona et Cajun Bwexy Band. Labedoun, c'est un duo composé de Cécile Perfetti et Greg Perfetti. Ils sont originaires de la région de Montpellier et ils bourlinguent depuis pas mal d'années, puisque au début des années 2000, ils ont joué dans un groupe qui s'appelait Candide. Ensuite, ils ont gagné un prix Radio France devant 200 groupes. Et enfin, ils ont formé le duo Labedoun, qui a d'abord été un trio, puis maintenant un duo, et peut-être dans l'avenir va devenir un trio, voire un quatuor. Leur premier album, Blues Songs, est paru en 2016, où figure une très belle reprise de God Bless the Child de Billie Holiday, qu'elle avait enregistrée en 1941 et parue en 1942. C'est un standard du jazz, repris par de nombreux artistes. Voici donc la version de Labedoun, God Bless the Child. Them that's got your hand, them that's not your lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round your door, but when you're gone and that spending ends, they don't come no more. Relation give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, yeah, that's got his own. Too much. mama may have, papa may have, God bless the child that's got his own. Well, that's got his own. Got his own, and he don't worry about nothing because he's got his own. Yeah, he's got his own. Cécile est la chanteuse et la bassiste, parfois un peu de tambourin ou de caisse claire ou de percussion. Et puis Greg, c'est le guitariste et puis percussion, batterie au pied, etc. Dans leur deuxième album, en 2020, ils s'attaquent à un autre standard du jazz, On the Sunny Side of the Street, un titre encore plus ancien, puisqu'il a été composé par Dorothy Fields et Jimmy McClug en 1930. La version de Labadoon en 2020, On the Sunny Side of the Street, avec à la fin un couplet en français, s'il vous plaît. Précédente des Blues Covers, je vous avais déjà fait écouter des titres de Nico Shona, de son EP Modern Delta. On va continuer l'exploration de ce disque, car il y a plein de pépites, plein de reprises. Je vous en propose donc deux nouvelles, le Dust My Broom de Robert Johnson et You Can't Judge a Book by the Cover. Willie Dixon, interprété par Bo Diddley. Alors, on commence avec le Dust My Broom, classique des classiques. Robert Johnson l'a enregistré en 1936. C'est un titre que la plupart des groupes ont repris dans leur répertoire, même en France. Voici Nico Shona, Dust My Broom, dans une version plus lente, plus lourde, avec un peu d'harmonica. I'm gonna write a letter. En 1962, Willie Dixon compose You Can't Judge a Book by the Cover pour Bo Diddley. Bien que ce ne soit pas Bo Diddley qui l'ait composé, c'est le style caractéristique du jungle beat de Bo Diddley. La version de Nico Shona reprend les codes, les bases de la chanson, et c'est donc sur le EP Modern Delta, en 2022, qu'est parue sa version. Looking at the bee, you can't judge a daughter by looking at the father. You can't judge a book by looking at the cover. Baby, can't you see? What, baby, can you see me? I'm a baby, I think you meant to judge me. You can't judge a book by looking at the cover, baby. Your book by be looking at the cover, baby, can't you see? Woo! Ah, baby, can you see me? Oh, my baby, you're misjudging me. You can't judge your book by be looking at the cover. Judge an apple by looking at the tree. You can't judge a honey, baby, looking at the bee. You can't judge a sister, looking at the father. You can't judge a book by be looking at the cover. Oh, can't you see? Ooh, baby, my baby, can't you see me? Judge a book by be looking at the cover, cover, cover to see. What now, baby? What now, baby? Yeah, yeah. What now, baby? On va terminer ce Blues Covers avec un groupe cajun, Bwexy Band, qui s'appelait à l'origine Cajun Bwexy Band. Ils nous viennent de Bretagne. C'est un groupe qui s'est créé en 2014 à l'initiative de Christophe Chevalier, chant mélodéon, et David Dutertre, guitare rythmique et chœur. Ensuite, il y a eu Philippe Jaunier à la basse, et c'est comme ça qu'est née la première mouture du groupe. Et sur leur album de 2020, intitulé Lune Bayou, il y a de nombreux musiciens supplémentaires. J'ai sélectionné un morceau que j'adore. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer, mais tu peux pas cogner. En fait, c'est à l'origine le fameux You can't knocking, but you can't coming, composé peut-être par Perry Bradford et J. Mayo Williams dans les années 20. Et popularisé surtout par Little Richard en 1957, qui en a fait un rock'n'roll torride. La version en français, ça c'est aussi un petit peu compliqué. On l'attribue souvent à Clifton Chenier, qui l'a publié en 1976 sur son fameux disque Frenchie the Boogie, un formidable disque avec plein de rock'n'roll adapté en français, en cajun plutôt. Mais moi, j'ai une version antérieure, je vous la ferai découvrir après la version de Cajun Wexy Band en 2020. Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer. Terminé en beauté ce Blues Covers, je vous propose un extrait d'un album paru en 1959 qui s'appelle Folk Songs of the Louisiana Acadians, c'est-à-dire les chansons des Acadiens de Louisiane, avec une version de Mrs. Odeus Guillory tu peux cogner mais tu peux pas entrer. Alors Clifton Chenier, en 1976, il peut se rhabiller. Voici Mrs. Odeus Guillory avec son accent typique. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. J'ai l'appelé dessus la porte d'en avant. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. J'ai la clé dessus la porte du côté. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir. Dans exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.